tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça fait des dingueries pour des euros dans la ville. Ça fait des dingueries pour des euros dans la ville. Ça fait des dingueries pour des euros dans la ville. Ça fait des dingueries pour des euros. Bah les couilles, j'suis là, j'ai le poulo. Ça te lève dans tum tum au culot. Culot, culot, culot, enculé. T'as parlé de moi, mal enculé. Viens me voir, je sens pas s'enculer. Dans ton coin, tu râles, enculé. Regarde-toi dans la glace, enculé. On n'a pas bougé, ça voulait te rappeler. T'es voulu avec nous, rien de plus. Là-bas, ouais, vers l'arrêt de bus. J'te respecte, t'es chaud en plus. Bref, on, j'arrive comme une claquette sur le front. Une gifle de ton daron, tiens-toi à carreau. Toujours préparé, comme un petit filou. J'ai le flow que t'as. J'ai le flow dans la barre, tête à la barre. Les clients tu rabats, les kilos dans la barre. La frappe ça rapporte. Tu passes les rapports, t'es bien sur le vieux bord. Y'a les succès trop tard. Petite poursuite, t'as pris la fuite. Est-ce qu'il te rend tôt ou tard? Nanana, oh, t'as le monstre, tu veux rayonner. Nanana, oh, t'as la zone côté passager. Nanana, oh, t'as le pilier violé. Nanana, oh, partout ça sillonne. Ça fait des dégâts. Des euros dans la ville, ça fait des dingueries pour des euros dans la ville, ça fait des dingueries pour des euros dans la ville, ça fait des dingueries pour des euros dans la ville, ça fait des dingueries pour des euros dans la ville, ça fait des dingueries pour des euros dans la ville, ça fait des dingueries pour des euros dans la ville, ça fait des dingueries pour des euros dans la ville. Bon, c'est la loi du quartier. En bas de ta maison ou en bas de ta tour. Tu sais que c'est chacun son tour. Tu sais que c'est chacun son tour. Hein? Ce mec de la rue, il évite les faux. Tu l'aimes avec ses défauts, il est là pour toi quand il faut. Ce mec de la rue, il aime pas la police. Chez toi pour faire une razzia. Ce mec de la rue, il évite les faux. Tu l'aimes avec ses défauts, il est là pour toi quand il faut. Ce mec de la rue, il aime pas la police. Chez toi pour faire une razzia. Ce mec de la rue, il évite les faux. Tu l'aimes avec ses défauts, il est là pour toi quand il faut. Ce mec de la rue, il aime pas la police. Chez toi pour faire une razzia. Ce mec de la rue, il évite les faux. Tu l'aimes avec ses défauts, il est là pour toi quand il faut. Ce mec de la rue, il aime pas la police. Chez toi pour faire une razzia. Ce mec de la rue, ce mec de la rue, ce mec de la rue. Merci à Skyrock, merci à tout le monde, merci à tout le quartier. Hey, merci la zone. Merci, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci les sangs. Classique, hein. Hey. Un petit classique, nous bien. À Noré, hein. Noré. Ouais. Ok, ça fait. C'est pas une promenade chantée quand on se retrouve ganté. Hein? Ouais, avec mes brigandés, y'a pas tenté. Sous peu de gens, j'peux compter. C'est ma vie que j'racontais, c'est pas celle de Condé. Trop peu de gens sont là quand t'as besoin d'eux. Ils sont bocassus, c'est pour venir prendre le 22. On a la haine gros et on l'a paqué un peu. Qui ne croit pas que j'ai besoin parce que je n'ai pas besoin d'eux. Et puis j'en rallume un peu. Pépère posé dans ma cité. Personne m'a incité. J'me suis mis à voler parce que tout ça m'excitait. De textes véricités. En tout cas, j'essaye de m'appliquer. La musique m'a piqué. Fils de pute dans mon dos, j'entends que tu parles de moi. De toute façon, je te vois venir. Et je crois que je vais arrêter l'alcool. Je pense que ce sera mieux pour mon avenir. Faire qu'à ma tête, c'est contre-sens dans l'avenue. Pétage de porte pour augmenter les revenus. Quand vous verrez ce que je suis devenu, les gars, un peu de fierté et de retenue. La seule chose à retenir des métacs, c'est que les vrais sont reconnus. Et autour de moi, y'a tous sauf des inconnus. Merci mes potos qui sont là depuis le début. Merci les mauvais comme mes les fils de pute. Sans effort que l'on vise le but, ouais. On est peut-être défilé à l'affût des billets. Si tu as un plan photo, on arrive. Parler pour rien, on le fait même pas quiller. Lève-toi du milieu, rap dans, je peux te quiller. La rime dégoupillée, j'en lance dans le tas. Comme une grenade, elle touche tout le monde. Et si tu me dis pourquoi tu les écoutes plus, parce que je sais que tous mentent. Dans la zone, y'a des talents cachés. Y'a des talents gâchés. D'autres, dos sur la gâchette. Réagir si tu comptes les fâcher. Et pour les fachos, en toute franchise, je vous baisse, j'ai à ce que vous le sachiez. Faites gaffe, faut pas être sûr que voyez la mort, elle va me mettre sous sachet. La tête et ton corps, ils peuvent aussi aller. Retrouver dans un sac, ils seront signalés. Allez vous cacher, je suis avec tous mes tarés. Gracias. s'achète et tout se vend, t'es plus même plus des kits. Fais tes boîtes tout en street, très très très con qui m'anonyme. Et c'est plus rien à perdre, mon cœur est déjà à l'agonie. J'ai vu ce petit quitter l'école, ce petit péter quelques portes, ce petit frapper du décor, tout, tout toujours fidèle au poste. Ce petit qui en fait des tonnes, à la recherche d'or. Trop d'ambition, et ce petit vit en tôle. Business après business, c'est dur pour lui dire basta. Quand ça sert qu'on parle, il faut qu'on stagne. Fuck la nana et font semblant d'être malade. L'époque j'avance, on est là. On demande à Mada. Tu parles trop, mais rien à foutre. Là, les crous, mais rien à foutre. Je m'en sors, tu le restes rien à foutre. Les jaloux, ouais, rien à foutre. Tu parles trop, mais rien à foutre. On a les crous, mais rien à foutre. M'en sors, tu le restes rien à foutre. Les jaloux, ouais, rien à foutre. Ah. dit que c'est une faute à Galji. Moi du malheur, je suis lassé, les chemises chassent. Alors je resserre mes lacets. Et nos mamans deviennent pâles, comme une fleur sans pétale, comme le monde sans pétrole. On fait pas une guerre seule, dis pas que t'as besoin de personne, personne s'enterre seul. Moi je crois que la vie a plein de dents, j'en connais comme des dons et qui se sont mis dedans. Moi je fais mes courses à la lune, elle est plus de la laine et elle me fait la maligne. Hein, vas-y démarre au starter, c'est le bruit du vroom vroom, numéro limé dans le carter. Ça fume des blondes à 13 piges, un casier de 13 pages, fin du grand banditisme. Ça fume des blondes à 13 piges, un casier de 13 pages, fin du grand banditisme. Même en état d'ivresse, je pense pas que je l'aurais ken, ils critiquent tous. Mais sur ma mère, j'en ricane. Du ricard, les supporters boivent, c'est des hooligans. Oh les gars, faudrait penser à se ranger depuis tout jeune. Attiré, tenté par le danger. Je suis les ouais, j'ai trop vu. Je tape une mise au gros cul, sa carte fort. Ça veut la one, one. Faut remplir le pécule, on s'en fout de ton vécu. Force aux détenus, on pas one. Les petits ont grandi si vite, vas-y arrêtez ce vie, on baisse dans l'onde incivique. On a fait poursuivre dans les champs. Non, y'a rien dans les champs, on n'est pas des méchants. Sans capuche, boule au ventre, à l'avortement. Gadji, je lui dis que je m'appelle Raoul, choquesse de mer, boule. Vas-y, fais le signe, Joule. Ensuite, eh ouais, ça va vite, j'ai la gigite à jeun. Jamais j'hésite. Il fait le fou au centre commercial, je vais le tanker. Je fais pas de l'art martial. On cherche tous un peu des armes. Qui a tort, qui a raison, à Marseille, c'est le désordre. Toi, t'es qu'un suceur de bite, raconte pas des rumeurs, t'es qu'un suceur de bite. Moi, je donne des sous à ma mère. Moi, je fais pas la malade, moi, je fais pas de marche arrière. Ce soir, ça part sur un coup de tête. Là, c'est pour Amido et Fred. Comité réduit, gros doigt, on voit que les traites. Je me la veux, je suis dans le 15ème. Je rentre au quartier, direction le 5ème. Arrête les képis. Tout le monde, les gars. On va les faire après, t'inquiète pas, on fera les dédicaces après. Merci, les bon, merci la zone. Merci, Hush l'enfoiré. Il est là. Allez, pêche au fort, Attends, un bout en train, Villeneuve-la-Garenne, Sablière, allez, pêche à la bande de Fianso le 29 aussi, on est esprit, on est ensemble. Fianso fait son ensemble, ça bouge même pas. Merci. Ouais, non, vraiment dans la maison. Restez, Huss, Heck, tout le monde dans la maison, on est ensemble, les frères. C'est carré. Hey, je suis dans l'Orangera. Hey. 923-90, si je suis dans l'Orangera. Hélène Ségara, la queue basse s'est garée, le gérant s'est barré. Arbat ses séances et bagos, je demande un Zépec. C'est pas du gâteau tantôt, je suis dans le wagon. Je me fais crever bien avant ma con. 9239, innocent comme Tookie. Crocop, je lui sers des low kicks. Me graloki, etc. Nique les pookies et les gothiques. Reste l'enfoiré dans la boutique. Comparé devant la juge pour des broutilles. Trésor innocent, indemne, Vladimir Poutine. Cousine, gazinière, coca, résine. Je les ai viscères comme un viscère. Printemps, été, hiver, les Yankees m'ont dit tout si merci, merde. Sans Valérie, moi et mon équipe, on refait la déco. Comme Zepek et New Marlowe ou Pablo Esco. Le micro, c'est Husla sur la route. Bengtsland, deuxième round. Je sais combien ça coûte. Zin, appelle-moi Zé, t'as le Brésil. Toujours dans la zone, près de la surface, mes utosiles. Demande à Scott, je repars de la rue d'Ascot. Les couilles vides et le ventre rempli. À cette campi, je suis vraiment chaud dans ces amplis. Je crois j'ai pas idée ou t'as pas tilté. Qu'est-ce que je disais? Le A0, c'est pas les dessins animés. Voilà, y'a Franck de Villefranche, ils ont pas à quitter. Reste l'enfoiré, putain, sans raise. Hey, c'est pas les keufs qu'on l'a. Les keufs qu'on fait la prise dans la cave à Souda. Les vrais se reconnaîtront, c'est qu'une prise de Kamasutra. D'ailleurs, même dans pourquoi Omar dans The Wire a toujours un pompe sous le bras. Malgré que ce soit un gay power, je planifie mes plans comme Marlowe. L'aiguille t'informera, Tizi Grouzou de Tizi Ouzou. Tu le confirmera, qui t'a dit qu'on savait péra, mais on s'est tiré. Des fois te dira. Elle veut mes jetons et ma sauce pita. J'ai tout laissé dans la chatte d'Anita. Je rentre chez moi, je reste dans l'anonymat. Dans les cités, c'est la loca vida. Je demande au reste la jungle Africa. C'est pas du cinéma, j'ai que des idées noires. J'suis une. Eh, l'enfoiré, bon enfoiré, du lève, le pêche fort, fort. Eh, ça bouge même pas. Eh, voilà, le pêche fort, ça bouge même pas. Eh, merci, Jules. Eh, Jules dans la maison, eh, ça bouge même pas. En esprit, vraiment. Eh, reste l'enfoiré. Merci à toi, le sang. Eh, ça bouge même pas, on est ensemble, mon frère. Ça fait plaisir. plaisir, merci. Et faites un maximum de bruit pour House. Merci bien le frangin. Ok. La dédicace sera pas enfermée à tout le monde, Thierry Nanterre. Ok. Ok. Ok. Je suis à deux doigts de leur dire ce que je pense, d'insulter tous ceux qui m'ont fait des coups de crâne. Je vous oublie pas. Y'a de quoi péter un boulon, y'a de quoi serrer sur ce coup-là. Juge pas le mec à sa couleur, parle pas de moi quand je suis plus là. Pendant que j'investis dans la guerre, moi je vais investir dans la pierre. Je fais des aquariums dans l'appart et je fais des boulettes par terre. Je suis à deux doigts de tous vous oublier. Y'en a pas beaucoup qui m'appellent, y'en a pas beaucoup qui viennent me sonner. C'est bien, au moins maintenant, je vois comment vous fonctionnez. Je me sens comme Tony devant son pote en train de faire tronçonner. Je suis à deux doigts. The Sentinel, je suis à deux doigts d'arrêter le shit, de faire en sorte de gérer ma carrière, de me préparer à la chute. Certains m'ont déçu, déçu, tout ça pour des sous le sang. Tu es dans la merde, ça c'est su, j'espère que ça te servira de leçon. Tu as deux doigts de tout laisser, tout quitter. Mais à chaque fois je renonce quand je vois la France danser sur Chiquita. On me dit qu'est-ce que ça t'est fané, je réponse à ma scanner. Donne pas le go, donne pas le go, Gennaro Savastano. C'est pour les jungles et les grandes dans l'audi à trois. Attends, y'a trop de salopes, pas maintenant, je te dis après. Le cœur pas la frais, je suis à deux doigts de croire que c'est pas vrai. Elle était belle, elle t'a plu, tu devais la revoir, ça c'est c'est humain et après tout personne n'est parfait. Je suis à deux doigts de m'acheter un arsenal parce que des connards se mêlent. Me juge à mon survêt d'arsenal, c'est infernal. Bâtard, toi t'aimes faire mal à ce qui paraît. Toi tu skimes pas que pendant les périodes hivernales. Je suis à deux doigts de faire un gros doigt au poulet. T'inquiète, j'ai plein de gamins, tous la famille, je dirais troulé. Je voulais vous dire que je suis cool, mais dites-moi lui si je coule, si j'ai pris un coup et que je saoule. Ouais, je suis à deux doigts de devenir insolent. Faut que je me taille vers le soleil parce qu'ici y'a rien de passionnant. Émotionnel, je m'alcoolise, c'est occasionnel. Qui c'est le traître, bête de vigne, j'ai le boucan. Je suis à deux doigts d'aller toucher, elle te touche le paquet. Je crois qu'elle veut se faire enfourcher. Tu me cherches, je suis à l'ou, cherche, même si elle est tordue la fourche. Je rappe pour ceux qui ont pas win pour mettre l'essence, alors ça poussait. Quand t'as poussé, ça y est, t'as des couilles, la barbe a poussé. T'as voulu lui faire un boussade, la bouche elle sent qu'elle s'emboussa. Et t'as toussé quand t'as fumé ta moula. Et arrête de faire des perces, fais tourner, fais foula. Je suis à deux doigts de faire ma chambre en disque d'or, à dire que j'ai 5 albums. Je suis à deux doigts de faire rupture le disque dur. Je regarde Top Boy, je fume un 10 et je dors. Faut que je casse les gars, moi j'évite les stars. C'est Hayav tellement, je n'arrivais plus à courir. J'ai une famille à nourrir, c'est pour ça que je me couche à l'aurore. Et on me dit à l'oreille que t'as pas respecté l'horaire. Le travail c'est la clé, l'argent c'est la classe. Toi tu fais le clown au fond de la classe. Tu sens que tu glisses quand tu te vois dans la glace. Tu fais le go avec ta go, tu te fais passer par un mec de la caisse. Tu pisses pas le tableau, tu préférais pister le boule de la maîtresse. Commission rogatoire, fais qu'un flanqueteur, tu es à la trace. Ils voient avec qui tu traînes, ils tuent partout, ils repèrent tes adresses. Dans le secteur, c'est bizarre, fais gaffe à qui tu t'adresses. J'étais à deux doigts de croire, tu travailles pour les tresses. Pound purse, les jeunes sont fous, se croient dans le coup d'air strike. Chez moi faire du son c'est de l'art, ouais c'est tout un style. Ça fait longtemps que ma mère dans mes bras je l'ai pas serré. Vous manquez mes potes incarcérés. La juge vous a pas manqué mais vous sortirez tout, tout tard, c'est rien. Grosse dédicace à ma mère que j'aime et à mon frère que j'aime aussi. Grosse dédicace. Lune et Asdune. Yes. Grosse dédicace à toutes les prisons, Pommette, Lune, Salon, Ponté. Grosse dédicace à vous. Une grosse dédicace pour Keke Keloum, de la Viste, Bézé, de la Castellane, Malo, Hamza, de Saint-Gilles, Nono, Cachot. Et grosse dédicace pour Caporal Garcia, Salon, Bâtiment B. Et merci.